Donc, suite à la première intervention, il a été fait allusion au résultat d'une enquête épidémiologique dont certains d'entre vous n'ont pas eu connaissance, ou je ne sais pas si tout le monde a bien perçu la question. Et donc, nous, on est là pour vous montrer un peu la démarche qui a été la nôtre, les principaux résultats et les difficultés auxquelles on s'est heurté. Donc, moi, je m'appelle Hélène Amernon, je suis retraitée depuis peu, mais à l'époque où le travail a été élaboré, je dirigeais le département santé-travail à l'Institut de veille sanitaire. Et c'est à ce titre que je suis là avec ma collègue Yuriko Iwatsubo, qui, elle, a réalisé l'enquête. Enfin, les études, disons, pas l'enquête. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Institut de veille sanitaire, quel est son rôle dans ce problème ? Sa mission, c'est d'éclairer par des résultats. Bon, déjà, l'Institut de veille sanitaire, il a été créé par la loi de 98 qui séparait l'expertise scientifique de la décision politique. Suite à un certain nombre d'affaires, comme le sang contaminé, les affaires autour de l'amiante, etc. Donc, on a créé un institut qui était là pour produire de l'information, produire de la connaissance, permettant d'éclairer les décisions des pouvoirs publics. Cette connaissance, c'est surtout dans le champ de l'épidémiologie. Hein. C'est le gros de l'activité de l'Institut de veille sanitaire. Donc, dans ce cadre-là, l'Institut de veille sanitaire a été saisi par le ministère de la Santé et le ministère du Travail en 2002, par ces deux ministres qui avaient reçu un courrier d'Henri Pezerra qui signalait un problème d'excès potentiel de cancer du rein dans cette entreprise Adiceo. Voilà, donc on a été saisi de cette question. Et on a essayé d'y répondre du mieux qu'on pouvait. Donc tu vas peut-être expliquer comment, Yuriko. Oui, c'est-à-dire c'est l'ensemble de présentation. Oui. Donc je commence, donc je suis Yuriko Iwatsubo, épidémiologiste, médecin au département de santé et travail de l'Institut de veille sanitaire. Donc j'ai été chargé de traitement de signalement. Donc la saisine dont parlait Hélène s'est tombée à fin décembre 2002. Enfin, officielle est venue en début 2003. Double saisine, DGS-DGT, donc suite à une suspicion d'excès de cancer de rein parmi les salariés de l'usine. Et la saisine initiale était de faire le point des explorations qui ont été faites jusque-là sur ce sujet. Et de proposer des modalités d'une expertise qui confirme l'excès, s'il y en avait un, et le cas échéant de déterminer les causes de ce cancer. Donc, au départ, il s'agissait de 10 carcinomes à cellules rénales, donc diagnostiqués entre 1994 et 2002, qui concernaient uniquement les hommes et de 38 à 62 ans. Et les 9 cas sur 10 étaient diagnostiqués au stade préclinique suite à une échographie abdominale de dépistage qu'avait mise en place M. Barra, donc on parle à la médecine du travail, en 86. Mais pour préciser, ces échographies abdominales systématiques, elles étaient faites parce qu'il y avait un grand nombre de personnels qui venait d'une usine de fabrication de PVC et qui avait été exposé au chlorure de vinyle monomère. Et on surveillait l'éventualité d'apparition de cancer du foie à travers ces échographies. Ces échographies n'étaient pas faites pour surveiller le rein. Oui, pour compléter, oui, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Okay. Mais pour compléter, donc à partir de 91, ça répond à la question de la dernière partie de la phrase de votre ici, où il est marqué progressivement d'autres catégories de salariés. Oui. C'est qu'à partir de 91, nous avons étendu les échographies aux salariés qui avaient été exposés ou qui ont été exposés au C5. Au C5. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu découverte. Et comme je vous le disais, effectivement, je m'attendais quand on a fait ces échographies, je m'attendais plus à trouver des problèmes hépatiques. Ben oui, que, c'était fait pour. Donc, on avait trois catégories de population finalement. On avait des gens qui avaient été exposés seulement au CVM. On avait des gens qui avaient été exposés à la fois au CVM et au C5, et on avait des gens qui avaient été exposés uniquement au C5, dans la catégorie des personnes qui bénéficiaient d'une échographie. On avait trois sous-populations. D'accord. Hein? Au départ, c'était pour surveiller le foie. Il y a eu découverte d'une tumeur rénale, ouais, de façon fortuite avec ces échographies, et on a étendu à d'autres populations. Non. L'échographie a commencé en systématique pour les gens exposés au C5, a commencé en 91. Et la découverte du cancer a été faite en 94. D'accord. Hein. Donc, chronologiquement, donc c'était avant. Comme ça, les choses se sont passées, hein. Alors, l'entreprise, ça a été présenté. Donc, à l'époque, il y avait 700 salariés. Alors, 70 bâtiments, 6 sont produits. Donc, il y a énormément de produits chimiques. Là, il faut quand même insister sur ce point. Ouais. Donc, on vous a dit 81 nouveaux, l'introduction d'un nouveau procédé chimique pour la synthèse de la vitamine A et substances intermédiaires, ce qui était de C5, qui était donc suspecté d'être à l'origine de ce cancer par certains experts. Énormément de produits chimiques, dont un certain nombre de cancérogènes reconnus. Connus, oui. Ça, je n'ai pas fait la liste, mais ça sera dans le rapport, si vous êtes intéressé. Alors, donc, pour répondre à la saisine, dans un premier temps, il était important de valider le signalement, c'est-à-dire s'il y avait un excès, un vrai excès. Enfin, un vrai excès. Donc, pour cela, nous avons calculé un taux standardisé d'incidence, donc le CIR. Donc, c'est le rapport entre le nombre qui a été vraiment observé dans l'usine, entre 94 et 2000. Je crois que c'est 2002, excusez-moi, et par rapport à l'incidence qui serait attendue si l'incidence dans cette usine était pareille à celle qui est observée dans la France entière. Donc l'estimation venait des registres, donc on a observé qu'il y avait 13 fois plus de cancers du rein dans cette usine pour la période 1994 et 2003, que dans la population nationale française, et tous les cas, les 10 cas qui ont été signalés étaient validés par l'anatomopathologie, enfin double validé, je crois. Donc c'était vraiment des cancers, adénocarcinomes, et l'excès était statistiquement confirmé. Donc vraiment, c'était l'excès était confirmé. Alors, juste un mot, donc comme on vous a dit, la mutagénicité de ce produit C5 était. Attends, excuse-moi. Oui. Après la confirmation de cet excès, elle a été rendue publique. Oui. Et après la confirmation de l'excès, à ma connaissance, hein, c'est à ce moment-là que les cas de cancer qui étaient en souffrance à la Sécurité sociale et au C2RMP ont été reconnus en maladie professionnelle. C'est suite aux premiers résultats de confirmation de l'excès qu'ont été reconnus les cancers en maladie professionnelle. Et ça, c'est confirmé à partir de quand, en fait ? C'est à partir de quelle date ça... Tout de suite, 2003. C'était mars 2003, là, non ? Oui, tout de suite. Là, ça, c'est la partie facile de notre. Voilà, donc ça, parmi les études qui ont été réalisées, les travaux qui ont été réalisés, dont l'investigation du cluster. Mais, enfin, on en reparlera dans la discussion, mais il faut bien avoir en tête que ces 10 cas avaient été dépistés par des échographies systématiques à un stade, Yuriko l'a dit, infraclinique, c'est-à-dire il n'y avait pas de manifestation clinique, donc il n'aurait pas été dépisté autrement, quoi. Et on les comparait à une population dans laquelle il n'y a pas d'échographie systématique pour dépister des cancers du rein. Donc, faut avoir ça en tête, parce que tout à l'heure, les représentants du personnel de l'entreprise et des victimes ont dit qu'on mettait tout sur le compte de l'échographie. C'est pas vrai, mais on ne peut pas ignorer ce phénomène. Ça complique l'investigation de cet agrégat. Alors, donc, je reviens au produit. Donc, la mutagénicité in vitro a été démontrée début 90. Et au cours des investigations épidémiologiques qui ont suivi à partir de 2003, il y a eu d'autres études toxicologiques qui étaient commandées par l'usine. Donc, qui a démontré que le produit était mutagène in vivo sur les cellules du rein du rat. Donc c'était un point important. Alors, donc investigation épidémiologique, donc c'est investigation de cluster. On a décidé de faire ces investigations parce qu'il y avait des éléments qui sont en faveur d'une réussite de cette investigation. Donc voilà, les raisons sont là. C'est un nombre important de cas qui a été signalé. L'excès trouvé, c'était 13, c'est énorme. Et il s'agissait de pathologies uniques, adénocarcinome du rein est rare. Donc c'était, en 2007, c'était 3% des cancers incidents. Et ça se passait dans l'entreprise. Donc il y avait la possibilité de documenter les expositions professionnelles des personnes. Et il y avait cette plausibilité biologique. Donc, quand on a commencé, c'était uniquement la mutagène in vitro, mais après, c'est complété. Et Nufke aurait travaillé dans l'atelier où la substance a été utilisée. Alors, là, tout à l'heure, on avait beaucoup parlé d'oncocytome. Nous, on s'est focalisé sur les adénocarcinomes. C'était important pour nous, épidémio. On ne sait pas si c'est les mêmes facteurs de risque. En tout cas, là, les pathologies qu'on avait au départ, c'était tous les mêmes types anatomopathologique, donc c'était si on peut penser que c'est quand même le même facteur de risque. Et oncocytome, on ne connaît pas, on ne sait pas les facteurs de risque d'oncocytome, donc on ne voulait pas mélanger. On n'a pas pris non plus les cancers des voies urinaires qui ne sont pas les mêmes types de cancers. Donc voilà, donc on s'est un peu limité, mais pour avoir ce qu'on a trouvé, ce sera pas le fait d'avoir inclus d'autres types de pathologies. Alors, les investigations ont consisté à des études de mortalité, études de cause de décès dans une cohorte historique des salariés et des retraités de l'entreprise et une étude cas témoin nichée dans la cohorte. Donc, études de cohorte. Alors, tout à l'heure, pourquoi vous avez dit 60-96, voilà. C'est pas ça qu'on a fait, c'était beaucoup plus période plus longue. Donc il s'agissait d'analyser la mortalité par cause, en particulier par cancer, dans la population de salariés et ex-salariés de l'usine. Donc ça permet de comparer la mortalité par cause observée dans cette usine à la mortalité de référence qui est la mortalité française. C'est important de le faire, ça donne une vue générale de l'état de santé dans cette usine. Donc on voit que ce n'est pas uniquement sur le cancer du rein, mais on s'intéresse beaucoup au cancer. Et c'est la source pour aller faire l'étude qui a témoin, qui allait vraiment explorer la relation entre le cancer du rein et les expositions professionnelles. Oui, et puis ça permet éventuellement de repérer des secteurs de l'entreprise qui auraient été plus à risque que d'autres, de façon Bon, on pensait relativement simple, ouais. Parce que les causes de décès, elles font l'objet d'un enregistrement systématique, et c'est plus facile de les retrouver que de la, des maladies incidentes qui ne sont dans aucun fichier. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'étude de mortalité, qui ne s'est pas arrêtée en 1993. Non. Donc ça, on le verra, on ouais. verra après. Alors, la cohorte, donc on ne voulait pas non plus juste faire 94-2002, bien entendu, il y a la temps de latence, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, s'il y a eu d'autres cancers. Donc, on a décidé de reconstituer la cohorte des salariés et ex-salariés à partir de 1960 jusqu'à 2003, parce qu'on était en 2003 à l'époque, mais avec comme critère d'inclusion des personnes ayant travaillé au moins 6 mois sur le site de Commentier ou de Montluçon, entre donc, là, cette période-là. Donc, les gens qui ont travaillé juste un mois ne bon, sont pas inclus. Alors, donc, il y a des... Après, ça, c'est méthode. Donc, c'est assez facile d'avoir le statut vital, donc c'est décédé ou pas, d'avoir de cette information auprès de l'INSEE, et avoir les causes de décès, si on sait que c'est pour les personnes décédées par l'INSERM. Bon, il fallait reconstituer la porte. Mais là, c'était que les personnels de l'usine. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On nous dit après... on le dit un petit peu après. Parce que parmi les critiques qui ont été faites auparavant, c'est qu'il n'y avait pas les entreprises sous-traitantes. Voilà. Alors, les entreprises sous-traitantes, on s'est posé la question, bien entendu. C'était possible de repérer les entreprises. Même si elles avaient disparu, il y a quand même des notions, telle entreprise a travaillé... Enfin, est intervenu sur le site de Commentier. Des notions où c'était, alors, il y avait le médecin de travail des entreprises extérieures. À Dissé, on connaissait également les entreprises qui étaient, des noms qui étaient, noms des entreprises qui étaient intervenues. Mais ce qui n'était pas possible, c'est de repérer les salariés de ces entreprises, identifier les salariés de ces entreprises qui étaient intervenus sur le site. On a essayé, il y a une étude de faisabilité qui a été faite et qui est inclue dans le rapport, et la conclusion était qu'on ne peut pas reconstituer la cohorte des personnes qui ont travaillé, enfin, reconstituer la cohorte des personnes des entreprises extérieures qui ont travaillé sur le site. C'est pas possible, parce que des entreprises extérieures, soit il y en a qui interviennent uniquement sur Adisseo, il y en a d'autres qui interviennent sur plusieurs sites, pas uniquement à DCO, mais dont donc on a arrêté. Pardon. On a arrêté. Mais non, mais où il y a des traces? Normalement, la direction d'entreprise à DCO qui faisait appel à des entreprises extérieures est tenue aussi par le code du travail, était tenue par le code du travail. Elle n'était pas le. Il y avait pas de faire référence aux entreprises. Et aux oui, mais il n'y avait pas le nom des salariés. Il n'y avait pas le nom. Il n'y a pas le nom des salariés. C'est la responsabilité de l'entreprise. Oui, mais ça n'existe. Ça n'existe pas. Attendez. Non, mais il y a simplement. Moi, c'est un des actes. Mais oui. Le demandeur a toujours la possibilité d'interpeller l'entreprise sous-traitante oui. sur les salariés oui. que l'entreprise sous-traitante a mis à disposition. Oui, mais bien sûr, mais bon, Annie, oui, mais tu sais bien que les entreprises ont évolué, il y en a qui n'existent plus, bon, c'est quand même... alors là, ça a duré 7 ans, mais là, ça aurait... Même pour les gens qui sont exposés au rayonnement ionisant, tu connais les difficultés qu'il y a, alors qu'il existe un fichier centralisé des dosimétries, les difficultés qu'il y a à reconstituer la population de ces personnes. Oui, mais enfin, nous, on ne pouvait pas le faire. C'était pas possible. Parce que ça a été fait à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau de la vitamine A, il y avait un registre avec un agent de maîtrise qui était responsable et qui signalait tout. Il avait un registre, il signait toutes les entreprises extérieures qui passait dans l'atelier de Vitamine A, c'est un triptyque, il y en a un qui était conservé à l'infirmerie, et il y avait une trace de toutes les entreprises extérieures qui sont passées sur le site. Oui, mais pas les personnes, si, les entreprises. Nominatives, non. Et à partir de quelle année? C'était à partir de 91. 91, voilà. C'était à partir de 91, mais il y avait un fichier nominatif, mois par mois, avec un fichier. Ça, l'avait vu. L'activité ou l'intervention, la nature d'intervention qu'avait faite le salarié en question et la durée. Voilà, donc c'est à partir de 91, c'était relativement trop récent. Non, mais il y avait une trace aussi, il y avait une trace aussi des 440 personnes que je vous ai, que j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la médecine inter-entreprise. D'accord. Il y avait une trace de 440 personnes quand même. Ça, oui, on était en rapport avec... Oui, mais ça, on l'avait vu. Non, c'était pas l'entièreté de ces personnes. Ah oui, mais... Bon, enfin, après, voilà, c'est un point de discussion. Bon, d'ores et déjà, on peut quand même dire que si on a fait le choix d'avoir des données dont on savait exactement ce qu'elles signifiaient, c'était pour avoir des résultats d'une qualité qui ne soit pas contestable. Scientifiquement. Alors que si on avait pris une partie d'une population et pas l'autre, parce qu'on ne la connaissait pas, bon, ça aurait pu entraîner des biais dans l'étude. Néanmoins, les résultats, enfin, il faut dissocier le suivi des personnes et les résultats d'une étude. Les résultats de l'étude sur la santé des gens qui ont travaillé dans l'usine Adisseo, si elle s'applique aux salariés d'Adisseo, elle s'applique d'autant plus aux salariés des entreprises extérieures qui sont intervenus, même s'ils ne font pas partie de l'étude. Les résultats s'appliquent à eux. Voilà. Donc c'est là que je pense qu'il y a un malentendu qui n'est pas... Le fait que les entreprises extérieures n'aient pas été intégrées à l'étude ne veut pas dire que si on trouve un lien entre des expositions de l'usine et la santé des personnes, eh ben, tous les gens qui sont intervenus dans cette usine sont concernés par ces liens. Le problème, c'est qu'on n'a pas de traces. Traces de quoi ? Des personnes. Ah oui, non, mais là, bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Donc on va revenir à la fin au calendrier. Donc cette cohorte, donc on constitue l'historique professionnelle de l'ensemble des salariés et ex-salariés ayant travaillé au moins 6 mois sur le site. Donc il fallait des données pour reconstituer cette cohorte. Donc il y avait la seule donnée exhaustive pour cela, c'était les données annuelles de déclaration sociale qui était conservé sur le site de l'usine sous format papier depuis 60. Donc il a fallu faire la saisie. Enfin, je parle dans la difficulté. Mais l'histoire professionnelle de DADS, c'était juste l'emploi. Donc on voulait avoir un peu plus, c'était les services. Donc on s'est également servi de fiches des informations, des fiches de salaire. Alors, donc pour cette difficulté. Papier. C'est-à-dire que dans les DADS qui étaient informatisés, il n'y avait pas le service auquel appartenait personne. Il y avait juste... Non. Et DADS informatisé depuis 2000. Donc, 60 à 2000, on a fait la saisie manuelle. Et voilà. Donc, la formation professionnelle qu'on avait, c'était uniquement la catégorie professionnelle ouvrier. Voilà. Donc on n'avait pas le service, donc il fallait un petit peu plus pour faire l'ensemble des analyses de la cohorte. Donc on a saisi. Donc fiche de salaire, c'était une bonne idée. Il y avait une partie en microfiche qui était conservée dans l'usine, mais il fallait saisir. Ou papier archivé ailleurs. Donc on a fait venir les archives à Adisseo. Bon, il y avait des données manquantes, donc il a fallu amputer quand on pouvait, et il fallait retrouver les services qui étaient notés à partir des codes Donc on avait un groupe de salariés et de peut-être ex-salariés qui nous ont beaucoup aidés pour retrouver le service qui correspondait à un chiffre ou à un code. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est l'épidémiologie. Ça ne se fait pas en claquant non plus en trois jours. Voilà, donc c'était des difficultés. Donc je vous donne juste quelques résultats de la mortalité standardisée donc en comparant à la France entière. Donc période 68-2006. Donc on voulait bon, évidemment voir s'il y avait un excès de cancer, excès de décès par cancer, en particulier cancer du rein. Donc chez les hommes, il n'y avait pas d'excès de cancer, tout cancer, ni cancer du rein. Bon, le cancer du rein, c'est un bon pronostic s'il est traité rapidement. Bon, et on n'a pas vu. Donc c'est le 1 cancer du rein, c'est la ligne 1-10. Et on a parlé de la prostate, de colon, et à l'époque, il n'y a pas non plus d'excès de décès par cancer de prostate ni cancer du côlon. Donc là, la mortalité a été suivie jusqu'en quelle année? Jusqu'en 2006. Vous avez un rein ici, pancréas là. J'ai une question. C'était alors 2240. Je pouvais peut-être juste rappeler une lecture de ce que c'est un SMR. Enfin, oui. Hélène Avermont m'a dit pour ouais. Tout à l'heure, mais peut-être que ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, donc, c'est le SMR, c'est le mortalité, le ratio de mortalité standardisé. Donc, c'est le rapport entre le nombre de décès observés pour une certaine cause. Par exemple, si on prend celle-ci, œsophage, disons, c'est. On a observé pendant cette période, 68 à 2006, deux cas de décès par tumeur maligne de l'œsophage. Et on a les taux de mortalité dans la France entière par cause qui est géré par l'INSERM. Donc on peut comparer, on peut calculer le nombre attendu si le taux de mortalité dans l'usine était identique au taux français. Donc, pour l'œsophage, on attendait 10 cas, on a observé 2 cas. Pour cancer du rein, on attendait 3-6 et on a observé 4. En 10, donc il n'y a pas d'excès. Donc si on fait le rapport, c'est le rapport entre 4 et 3-6. Et c'est, donc, ce n'est pas significatif. Parce que si pour un excès statistique, il faut que ça soit supérieur à 1. Ici, donc pour l'intervalle de confiance. Ça suffit. Pourquoi est-ce que vous avez pris la population France entière et pas la population? Ah, on a pris aussi la population régionale. Par contre, ça ne remontait pas jusqu'à 68. Je crois que c'était à partir de 74. Et c'était à peu près pareil. Donc c'est pour ça que j'ai pris dans le rapport, il y a les deux. Alors, par contre, chez les femmes, on a observé une surmortalité par cancer du rein. Il y avait 0,57 attendu et 3 observés. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce n'était pas des personnes qui ont travaillé, qui étaient en contact avec le C5. Donc, ça nous a interpellés. Oui. Est-ce qu'il y a des situations de transmission paraprofessionnelle qui peuvent être possibles pour les hommes? Alors, facteurs de risque paraprofessionnels. Par exemple, le lavage des vêtements. Alors, on va peut-être revenir après dans le cas de Catimon. Dans notre étude, que c'était. Là, c'est pas faisable, oui. Parce qu'on n'a aucune information sur les personnes. Et facteurs de risque professionnels de cancer du rein, qui sont un peu démontrés, d'autres qui sont. Risque avérés de cancer. Oui, c'est le tabac, hypertension artérielle, obésité, Et mes professionnels, il y a le solvant chloré, le cadmium. Le chloré de sélène. Ouais. Il n'y a pas de chose, mais. Bon, donc, l'étude de cohorte, on ne peut pas. On n'a pas. C'était en termes d'interprétation. Oui. Oui. Non, oui. Alors, donc, si on fait un peu la synthèse de l'étude de cohorte, il n'y a pas d'excès de décès par cause, en partie par cancer. Cancer. Enfin, chez les hommes, excès de décès, enfin, tout ça c'est chez les hommes. Ça. Il y avait un excès de décès par maladie digestive. Alors, chez les femmes, donc il y avait ce cancer, cet excès de cancer du rein, mais ça c'est dans 2-3 cas sur une période, bon, 40 ans, mais bon, c'est tellement rare que pour confirmer, il faut un suivi beaucoup plus long. Alors, maintenant, j'arrive à l'étude qui a témoin, nichée dans la cohorte. Donc, c'est la comparaison. On compare les cas de cancer du rein à des témoins qui n'ont pas de cancer et on compare la fréquence, enfin, très simplifiée, des expositions. Alors, donc, au départ, il y avait 10 cas qui étaient signalés. Donc, l'IBS a fait une recherche complémentaire de cas de cancer du rein parmi des personnes incluses dans la cohorte. Pourquoi on a fait ça? Alors, c'est pour. Parce qu'on pensait bien que c'était pas exhaustif. Bon, je ne sais pas si après, on a eu tous les cas. Je sais pas. Mais bon, 10 cas, on ne pouvait pas s'arrêter à la période uniquement de 1994-2002 et peut-être que tous les cas n'ont pas été signalés à l'usine aussi. Donc c'était pour qu'on puisse un petit peu avoir plus d'informations exactes. On a décidé de faire cette recherche complémentaire, mais localement. Enfin, localement. Pas cause de décès, c'est national. Par contre, on est allé dans des labos dans la pâte, on est allé dans les hôpitaux, dans les archives ou des données de PMSI, et on a demandé aussi les personnes des affections de longue durée pour cancer. Donc tout ça, évidemment, on avait l'autorisation CNIL pour avoir ces données personnelles, individuelles. Autant il existe un fichier national des causes de décès, autant il existe dans certaines régions des registres des cancers. Dans ce département-là, il n'y avait aucun enregistrement systématique des cancers. Donc la recherche des cas, Yuriko le dit comme ça, elle énumère, mais il faut voir le boulot que c'est d'aller dans tous les services hospitaliers de la région, les organismes de sécurité sociale, et, etc., pour essayer de repérer les cas de cancer du rein et confronter avec le fichier d'Adiceo pour voir si ces gens avaient pu travailler ou pas chez Adiceo. Donc ça a pris combien, un an? Un peu moins d'un an. Alors, donc cette recherche complémentaire a permis d'identifier 12 cas supplémentaires pour la période donc, 60 à 2003. Bon, c'est pas tout à fait 60, mais jusqu'en 2003. Alors, objectif de l'étude qui a témoin initiée dans la cohorte, c'est de repérer les caractéristiques professionnelles, bioactivité et nuisance associées à l'excès de risque de cancer du rein, et en particulier les relations avec le C5, puisque c'est quand même l'hypothèse principale, c'était le C5. Alors, donc on a inclus les cas diagnostiqués entre 80 et 2003, ce qui nous fait 18. Donc on nous a pas mal posé la question pourquoi à un moment c'est 18, à un moment c'est 22, à un moment 27. Donc c'est les cas diagnostiqués, les cas qui ont été utilisés dans l'étude qui a témoin ont été les cas de 80 à 2003. Ce qui, il faut non seulement interroger ou avoir des informations sur les cas, mais également sur les témoins. Donc il y a des cas très anciens qu'on n'a pas pu inclure dans l'étude, puisqu'il aurait fallu aussi 5 témoins très, très, très anciens, et il fallait d'une part avoir les caractères sociodémographiques, antécédents médicaux, historiques professionnels, tout ça, il fallait quand même les avoir pour l'ensemble des personnes qui allaient être incluses dans l'étude qui est témoin, donc on s'est limité à cette période. Alors, ensuite, le gros, c'était d'expertise des expositions professionnelles. Donc, il y a des questionnaires qui ont été posés à chaque personne, ou à un proche, ou à un collègue aussi, la personne qui est décédée. Et il fallait expertiser ces questionnaires pour évaluer les expositions professionnelles. Donc, les nuisances concernées, c'était évidemment le C5, mais également l'ensemble des phases des produits, parce que si on fait que C5, on allait dire pourquoi vous faites que C5, il y a peut-être d'autres produits qui ont été la cause de cancer. Donc on a adopté une démarche assez systématique, donc toutes les phases et tous les produits de l'usine, les phases industrielles, les secteurs d'activité, on a fait vraiment beaucoup on a essayé beaucoup de choses. Et évidemment, après, il y avait les expositions qui n'étaient pas spécifiques de l'usine, expositions professionnelles non spécifiques de l'usine, et on a évalué 14 familles de produits à partir des déclarations des personnes par les hygiénistes industriels, donc c'est par les experts de l'hygiène industrielle. Bon, donc là, ça, je vais peut-être passer. Alors, donc donc on a quand même regardé donc des facteurs reconnus, de risques connus, fortement suspectés, tabac, hypertension, indice de masse, enfin l'obésité. Donc si c'est la comparaison que je vous dis, on compare les cas et les témoins. Donc cas c'est le cancer du rein, témoin donc c'est pas le cancer. Donc on avait 18 cas et 82 témoins. Donc on compare la fréquence de l'exposition. Et le risque est apprécié par l'autre ratio. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Il y a une catégorie de référence qui est à 1. Puis ensuite, on regarde le risque d'excès. Donc là, c'était 2-2. Donc ça veut dire que les gens qui surpoids avaient deux fois plus de risque d'avoir un cancer du rein que les gens qui étaient en poids normal, mais qui n'est pas significatif. Par contre, l'obésité, oui. Ça comprenait l'intervalle 1. Donc on retrouve bien les facteurs de risque connus de cancer du rein. Donc ça nous a bien rassuré, enfin un peu rassuré pour l'échantillonnage. Alors le dépistage qui nous sur a... C'est sur la qualité de, voilà. De l'étude. Qualité de l'étude. Alors le dépistage qui permet de dépister précocement les cancers. Et évidemment, c'était une difficulté méthodologique, disons, qui est supplémentaire. On a regardé la fréquence de dépistage, au moins un dépistage, dans le passé, les cas avaient 5 fois plus de chances d'avoir eu le dépistage que les témoins. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Évidemment, ce n'est pas le dépistage qui donne le cancer. Donc ce n'est pas un facteur de risque, mais c'est un facteur qu'il faut tenir compte. Ce qui n'est pas si facile que ça. Surtout dans le cadre où il n'y a que 18 cas et 82 témoins. Alors, il y a plein de tableaux, mais je vous montre juste le C5. Donc, d'une part, il y a une analyse sans tenir compte du dépistage, mais on tient compte de sexe, l'âge et des facteurs de risque individuels, enfin hypertension, obésité, tabac. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont été exposés au C5, ils ont 4 fois plus de risque d'avoir le cancer du rein que les gens non exposés. Donc on regarde juste ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant, qu'on ne voit pas bien, c'est l'indice d'exposition cumulée. Donc, on a la probabilité d'exposition, la fréquence et l'intensité qui ont été évaluées par l'expertise. Donc, vous voyez que le risque, donc on a fait catégorie médiane, trois catégories de croissants. Vous voyez que le risque augmente de 2,5 à 10. Je gêne peut-être. Et ici, le test de tendance, qui était le test était significatif, c'est-à-dire qu'on observait une relation dose-effet statistiquement significative. Alors, ensuite, il y avait le dépistage qu'il fallait tenir compte. Bon, l'idéal aurait été de regarder les choses chez les non-dépistés, ensuite chez les dépistés, qui a été moins dépisté, qui a été moins non-dépisté, mais on tombait à des effectifs ridicules qu'on ne pouvait, on pouvait rien regarder. Du coup, on a ajusté sur le fait d'avoir été au moins bénéficié au moins une fois de dépistage. Bon, c'est que ça devient non significatif, mais on ne dit pas dans la conclusion que c'est le dépistage qui explique tout. On voit bien que le risque augmente, mais du fait de l'effectif, eh bien, la relation d'autres effets n'est pas significative. Mais il faut pas juste interpréter ça. Il faut tout regarder. Il y a une relation d'autres effets significatifs sur le dépistage. C'est déjà un point pour que ça soit complètement expliqué par le dépistage. Il aurait fallu que les gens très là exposés ici avaient beaucoup plus de dépistage. Donc voilà, donc c'était pas significatif, mais on voit bien que le risque augmente avec l'exposition. Je sais pas si vous avez des questions sur cette. S'il n'y avait pas eu de dépistage, on aurait augmenté la mortalité. Peut-être pas cette période-là, mais peut-être à une période après. Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Vous savez, sur les 6 personnes que. On avait dépisté à l'époque, 2 sont décédés de leur cancer. Donc 2 sur 6. Après 2003 alors. Ah ben oui, elles sont décédées récemment, dans les années il y a 2 ans. Oui. Donc dire que d'abord le cancer de rein. Ah, ben quand c'est traité. Oui, mais même si ça a été dépisté, les premiers cas, c'est le cas que je vous ai expliqué, ouais. Du fameux kyste qui n'existait pas, au bout de 6 mois, on a refait l'échographie, on a vu un bourgeon, eh bien, ce salarié-là est décédé il y a 2 ans. En disant que c'est de meilleurs pronostics que ça, relativement à d'autres types de, voilà, d'autres types de cancer. Globalement. Ouais. Une question juste pour bien comprendre, parce que visiblement, cette question du dépistage, c'est assez centrale pour l'interprétation qui peut être faite après par les décideurs des résultats. Donc, à qui était proposé ce dépistage exactement? Aux gens exposés uniquement? Ou beaucoup plus largement à partir d'un certain moment? Enfin, comment ça s'est fait? Parce que autant dans une étude exposée, dans l'exposé, je comprends très bien que ce soit très problématique qu'il y ait un dépistage systématique chez les exposés et pas chez les exposés, mais là, c'est une catégorie. Donc finalement, on a une relation, on a une association causale. Si vraiment c'était on est dépisté, on propose le dépistage uniquement à ceux qui ont été exposés, c'est pas un facteur de confusion, c'est carrément un facteur intermédiaire. Enfin, il n'y a pas, c'est pas la notion. Non, ça a évolué. Hein, donc, du coup, c'est normal qu'on voit une atténuation, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs dans un papier que vous avez écrit, il y a risque de surajustement très important. Mais c'est, ça évolue au fil du temps. Ça a évolué. Au début, c'était les exposés au CVN, ensuite les exposés au C5, enfin toute la vitamine A. Et ensuite tous les produits chimiques et ensuite tout le monde. Tous les volontaires. À la fin. En ce qui me concerne, parce que je ne sais pas trop comment les choses se sont passées, mais jusqu'en 90. 2000. Puisque j'ai été en septembre 99, on va dire jusqu'en 2000, seuls bénéficiaient d'une échographie les gens qui étaient encore exposés au corps de l'ORF et les gens qui avaient été exposés ou qui étaient exposés aux azithromycines. La mise en place en 1991, au départ du dépistage du C5, c'était lourd, hein, parce que ça représentait quand même plus de 350 personnes au total, avec le secrétaire de ville et le C5, pour organiser les échographies, hein, les rendez-vous, les prises de rendez-vous. Sur le dépistage. Les épidémiologistes insistent à juste titre que leur travail a été lourd, mais l'article organiser un dépistage systématique dans une entreprise pour 350 personnes, sans gêner la production, en tenant compte des horaires, des cahiers de temps, etc., vous imaginez un petit peu. Donc on a commencé par faire un dépistage pour les gens du C5, travailler sur l'atelier Navas et pour les gens de l'entretien, parce que on savait que historiquement, c'était ces gens-là qui, au départ, dans les années 80, au démarrage, avaient été le plus exposés. Et puis, les années suivantes, on a étendu ce dépistage, c'est simple, aux gens du laboratoire, aux gens du pilote, et aux gens de la chaufferie qui traitaient les résidus de ces cinq, et qui aussi étaient exposés. Donc, mais on l'a fait d'une façon progressive sur 2 ans, de 91 à 93, pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'était tous des gens qui étaient suspectés d'avoir été exposés ou qui avaient été exposés. Ça s'est élargi au cours du temps. Après, donc, je ne peux pas dire après 2000 comment les choses se sont passées, mais moi je vous explique choses ont été faites jusqu'en 2000. On avait même envisagé de faire une étude complètement parallèle hein, pour essayer de quantifier l'effet du dépistage dans les populations. Parce que dans la littérature, on trouvait quasiment rien, sauf une étude allemande, mais qui était méthodologiquement... Alors, ceci étant, on n'a pas donné à la tendance d'idée quand même. Nous avions, entre les gens de la SEF et les gens de chez nous, qui, dans cette fameuse population qui avait été seulement exposée au CVM, au port de venir, sans avoir été exposée au C5. Nous avions au total, si on additionnait ces deux populations, on devait avoir à peu près 210-220 personnes, hein, avec les gens de la CEP et les gens de qui travaillaient à l'usine. Hein. Et pendant 18 ans, ces gens-là avaient des suivi par une échographie systématique à la recherche de l'angiosarcome du foie. Et en 18 ans, jamais aucun cancer du rein n'avait été diagnostiqué ni par le professeur Tetinina à l'époque, hein, dans ces années-là, ni par moi. Hein, on avait là une population de référence, certes avec un nombre restreint de 210 personnes, hein, mais qui avait été suivie pendant 18 ans et qui n'avait pas présenté pendant ces 18 ans de cancer du rein. Comparé à une population de personnes qui avait été exposée au C5 ou au C5 ou au polyvinyl, parce que certains avaient été exposés aux deux, et de 82 à 2000, on va dire, et pour lesquels déjà, à cet âge-là, on avait diagnostiqué 10 cas de cancer. Alors, donc on a regardé les autres CVM et tout ça, mais je ne présente pas, c'était pas significatif. Hein. Qualité d'échantillonnage, qualité de données de 4 témoins, donc c'était bon. Donc on a vu que ces 5, on a vu une relation dose effet et tendance significative, statistiquement significative avant le dépistage. Il y a d'autres produits où la tendance était significative. Alors, si on conclut. Donc, concernant le C5, donc on a un lien statistiquement significatif entre le cancer du rein et le C5, et on a observé une relation dose-effet. Donc, vous avez fait une statistiquement significative avant l'ajustement, non statistiquement significative après ajustement. Mais quand même, c'est une relation de effets importante. C'est, on ne peut pas ignorer. Et bon, on a dit, le lien qui ne semble pas être expliqué totalement par le dépistage. Et il y a la plausibilité biologique, c'est un produit qui est mutagène in vitro et in vivo. Bon, carcinogène, on ne sait pas ce que ça peut être fait. Mais quand même, les limites, c'est d'abord, ce n'est pas de notre faute, mais c'est impossible de mener des études épidémiologiques dans d'autres populations, puisque le C5 n'est utilisé que dans cette usine. Donc, ça aurait été la réplication du même résultat en épidémie, ça aurait été important, mais bon, ça, c'est pas possible de le faire. Et il est impossible de séparer le C5 d'autres produits associés, puisque c'est une phase. Ça, c'est, donc là, on a vu le C5, mais. Donc, on prend quand même des précautions dans l'interprétation, mais on n'a pas dit que le C5 n'était pas la cause. Ça, c'est pas ça qu'on a dit. Alors, donc. Le rapport a été largement diffusé. Il y a des recommandations dans la conclusion du rapport. Donc, évaluation de C5 par l'organisme compétent, donc c'était l'ANSES. Réparation MP, donc prise en charge au titre de ces deux MP. Et c'est les salariés des entreprises extérieures. Bon, il faut qu'ils soient réparés au même titre que les salariés de l'entreprise, parce que c'est la même exposition. Alors, et on a recommandé qu'il y ait un suivi de risque professionnel et un suivi épidémiologique des travailleurs. Des expositions. Ouais, des expositions. Alors, en termes de suivi épidémiologique, c'est assez facile de faire une étude de mortalité de façon répétée quand on a la cohorte qui a déjà été constituée. Mais ce qui est difficile, c'est avoir identifié les nouveaux cas. C'est ce que disait M. Nico tout à l'heure. C'est quasiment. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Quasiment, je trouve que c'est très difficile. Et on n'a pas de solution miracle non plus de repérer comme ça les nouveaux cas qui surviennent parmi les anciens salariés. Même salariés, bon, salariés actuels, je pense que oui. S'ils bénéficient d'un suivi médical post-professionnel. Oui. Mais. Ça, c'est vrai pour s'ils habitent juste là, enfin, je sais pas, quand ils sont vraiment partis, c'est ok. Enfin, bon, ça doit pouvoir se faire. S'ils sont suivis. Sur les cas qu'on vous a signalés après la fin de votre étude, il y a possibilité d'avoir un tracé de ces gens. Puisqu'on les connaît, on peut les identifier. On peut les cas que je vous ai cités. Mm-hmm. Après la fin de votre étude, puisqu'on est en contact, ils vous ont demandé de vous donner tous les noms des nouveaux cas de cancer. Donc on a les possibilités quand même de savoir exactement où ces personnes, parce que nous on sait où ils travaillent. Oui. Et par rapport au nombre de cas attendus, on voit bien, votre étude, il y a une limite quand même par rapport au réel, quoi, au fait réel, parce qu'on a tous les ans des nouveaux cas de cancer qui arrivent. Donc les taux que vous avez donnés au début sont des taux qui sont limités dans le temps. Ah oui, c'est vrai. Mais on donne toujours la période. Mais pour nous, le gros problème, c'est que ce nombre de cancers augmente et que par rapport à la fin de votre étude, tous les pouvoirs publics se sont basés sur votre étude. Que ce soit la Direction Générale du Travail, le ministère de la Santé et l'ANSES, tout ça. Donc, on arrive sur une situation, et puis la justice, et sur une situation bloquée. Alors, non. Dans le sens. Donc, il y a eu des. Suite à la publication du rapport, donc on a. L'IVS a saisi l'ANSES pour avis sur le classement de CMR. Bon, c'est M. Nico, c'est tout à l'heure, c'est vrai, ça, il a été. Et ils ont dit que le produit n'était pas concerné par le règlement REACH. Ils ont dit que REACH ne s'appliquait pas au C4. Au C5, pardon. parce que c'était pas un produit commercialisé, quoi. Hein. Qui était court, hein. Intermédiaire de synthèse non isolé. Enfin, c'était le terme, intermédiaire de synthèse. C'est ça, hein. C'est un intermédiaire de synthèse où. Vous achetez pas du C5 dans le commerce. C'est pas vendu. Ah ben c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a une disposition qui dit que si c'est pas strictement confiné, maîtrisé, enfin c'est une mauvaise traduction en anglais, on doit faire l'étude. Mais normalement c'est confiné. Oui. C'est... Ah bah il peut y avoir il y a des incidents. C'est pas confiné même toujours aujourd'hui. Il y a des incidents, mais c'est. On se base sur la définition strictement confinée, mais la question. En fait, elle a. Enfin, je. La question, c'est y a-t-il des gens exposés ou pas ? Et y a-t-il des rejets dans l'environnement ou pas ? C'est ça qui va sur la question. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que l'ANSES nous a répondu. Nous, on les a saisis de la question. Et ils nous ont répondu que REACH ne s'appliquait pas à ce produit. Raison, et on a la réponse. On a la preuve que ce n'est pas un produit qui est confiné. On arrive à traiter les produits par tout ce qui est rejet à queue. Mais ils ne nous ont pas parlé de confinement. Hein. Mais c'est, le produit n'est pas confiné dans l'atmosphère. Parce que, attendez, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que moi j'avais participé, on m'avait invité, au Grenelle de l'environnement sur la branche santé et environnement. Mmh. Et nous, on a demandé de faire un recensement des cas de cancer qui avaient autour de l'usine. Et là, les médecins savaient. Il y a quelques-uns qui ont parlé. Il y a énormément de cas de cancer. Ça veut dire que, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas parler de produits confinés dans l'usine. Parce qu'on n'arrive pas à quantifier les éléments. Donc, on ne sait pas exactement. Des appareils de contrôle ont été demandés. Mais on ne peut pas quantifier. Donc, le produit, c'est un intermédiaire de synthèse. Mais disons qu'on ne peut pas dire qu'il est confiné. Moi, j'avais compris, mais bon, peut-être je me trompe, hein, parce que je ne suis pas spécialiste dessus, que c'était un produit relativement peu volatile. Ah oui ? Il faudra qu'il y ait mettre le nez dessus, alors. Donc, mais c'est ça le problème. Oui, mais justement, ça. C'est pas l'odeur. Non, je crois qu'il y a trois choses à présenter. C'est qu'effectivement, la tension de vapeur à la température ordinaire est faible. Voilà. Donc, bon, ça c'est. Non, mais ça c'est une donnée factuelle chimique, physico-chimique, je veux dire. C'est indiscutable, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon. Mais à la chaleur. Il y a un deuxième point à noter. C'est que ce produit. Et chaud, très souvent chaud. Les appareils étaient ouverts à chaud, à des températures variant entre 60 et 80 degrés. Lorsqu'il y avait un problème de bouchage, la tuyauterie était chauffée avec de la vapeur ou des serpentins où circulait de la vapeur afin de cristalliser le produit. Donc, on travaillait à chaud. Non, mais si, si, et je. Et puis, le troisième point, mais j'en aurais terminé, ça va être vite fait. Hein. Le troisième point, c'est qu'on avait des phénomènes d'aérosol. Parce que les appareils, et voire les sols, ou les tuyauteries, étaient nettoyés au Kercher. Et donc, on avait des aérosols qui allaient polluer et qui ont pollué les ateliers voisins qui allaient jusqu'à 20, voire 30 mètres de distance. Les gens se plaignaient. De l'odeur. Ce qui fait que d'ailleurs, on a malheureusement eu des cas de cancer dans les ateliers avoisinants qui n'ont pas été directement, travaillé sur ces cinq. Enfin, moi, je disais ça parce qu'il me semblait que dans les rapports qui ont été faits, en particulier par l'INRS, les recommandations essentielles, c'était d'éviter le contact cutané. Hein. Il n'y avait pas grand-chose sur les. Il n'y a pas une étude sur la voie. Si, sur les voies respiratoires. Sur les voies respiratoires. Mais bon, enfin, on va peut-être finir. On va peut-être finir là. Voilà. Donc l'ANSES a répondu que ça ne rentrait pas dans le cadre de REACH. Voilà. Et au niveau européen, il n'y a pas que REACH. Au niveau européen, il n'y a pas que REACH et SLP. Il y a aussi l'interactif agent chimique et l'interactif produit cancérigène. Et demander à passer devant le SCOL. Nous, on n'avait pas posé la question sur REACH particulièrement. On avait dit, voilà les résultats de l'étude. Que pensez-vous du classement de ce produit ou de la substitution éventuelle de ce produit REACH. Et donc, ils ont répondu REACH. REACH, c'est eux qui ont répondu REACH. Ce n'est pas nous qui avons demandé REACH. On a saisi l'ANSES. L'ANSES a répondu. Voilà, l'ANSES a un avis public. Il y a combien 2011. C'est après 3 ans. Donc peut-être qu'aujourd'hui. C'est à la sortie du rapport. On va les ressaisir aujourd'hui. Oui, peut-être. Alors, donc il y a une réunion DGSIVS. Il y a un suivi médical. Les modalités de suivi médical devaient être. C'était la DGS qui a dit. Modalités de suivi médical devait être étudié par une saisine de la HAS, mais ça, on n'a pas de route. Parce que se posait aussi la question du suivi médical des personnes qui ont travaillé dans cette usine. Faut-il continuer à faire des échographies abdominales? À qui? À quelle périodicité? Des échographies, ça permet de dépister des pathologies graves, mais ça, c'est pas un examen invasif, il n'y a pas de rayon, tout ça, mais ça peut aussi générer des investigations qui peuvent être délétères et pas forcément, et voilà, si on voit une image anormale, il faut savoir quelle conduite tenir, donc c'est quand même pas un sujet très simple. Donc nous, ce n'est pas notre rôle de donner des recommandations en termes de surveillance médicale. Donc là, on a saisi l'organisme dont c'est le rôle, c'est la Haute Autorité de Santé, la HAS. Donc là, avec l'appui du ministère de la Santé et du ministère du Travail d'ailleurs, l'inspection médicale du travail. La HAS n'a à ce jour pas encore répondu. Voilà. Bon. Et donc, dans l'usine, je sais que les échographies systématiques se poursuivent. Et pour toute la population des volontaires, de ceux qui souhaitent le faire. Oui. Non, c'est pas volontaire. C'est aussi. Le cycle, il est tous les intervenants sur la vitamine A et ses périphériques ont une vie. Alors, pour l'embaucher, première échographie de référence. 10 ans après, elle se met en place un suivi annuel. Il n'est pas à la bonne volonté. Dans le cadre du suivi médical. Pour ceux qui ont été à la vitamine A, mais les autres. La vitamine A, prenez les périphériques, prenez la station de traitement des eaux résiduaires, vous prenez la chaufferie, vous prenez les bâtiments limitrophes, parce que l'atelier de vitamine A est à l'angle d'un bâtiment extérieur, à l'atmosphère. Ça veut dire que tous ceux qui graffitent. Non, mais parce qu'à une période, il l'avait élargi à toute personne de l'usine qui souhaitait être suivie. Voilà. Donc, alors peut-être ça a changé aujourd'hui. Ça représente, on est à plus de 50% d'effectifs dans le cadre du suivi C5 en activité. Bon, bien sûr. Alors, en termes de moyens, donc, en relation avec l'usine, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on a la saisine en janvier, donc dès février, il y a eu une réunion avec la direction, le médecin du travail, les représentants syndicaux, où il y avait vraiment tout le monde. Et les résultats, ça a duré 7 ans, mais les résultats ont été présentés régulièrement au CHSCT, au moins une fois par an, où on en était de nos investigations. La contribution de l'entreprise a été d'embaucher une personne pendant 12 ans pour la saisie des données pour la cohorte. Et il y a un groupe de salariés qui nous a beaucoup aidé pour la reconstitution des carrières professionnelles des personnes. Et voici le calendrier. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que l'Institut de veille sanitaire, il n'a pas le pouvoir d'entrer dans une entreprise comme il le souhaite. Là, il y avait eu une saisine, donc finalement, la direction de cette entreprise avait une injonction de répondre aux saisines ministérielles et de nous laisser la porte d'entrée, mais on n'est pas un organisme de contrôle. On n'est pas l'inspection du travail, on n'est pas l'inspection médicale du travail. On rentre si on nous ouvre les portes. Voilà. On n'est pas non plus un expert d'un CHS qui, après. Néanmoins, on travaille en général en concertation entre les deux parties, entre les représentants du personnel et la direction. Mais c'est sûr que la direction doit nous ouvrir ses portes, sinon on ne rentre pas dans la boîte. Absolument. Et les liens avec le... Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de concertation avec le CHS, j'étais un peu étonnée tout à l'heure. dans votre présentation, parce qu'il y a eu quand même des réunions régulières, tous les 6 mois au moins. CHS, vous avez relu. Oui, mais vous rappelez bien la polémique qu'il y a eu, on a exclu même notre expert, qui est Annie, a été exclue sur une présentation. Il y a eu une fois, elle était présente, il y a eu deux fois, elle était exclue. Oui, mais exclue par qui ? Par la direction. Par la direction. Alors après, ça veut dire que non, et après, on avait demandé à ce qu'il y ait un débat AMC, CHSCT et vous. Oui. Rappelez-vous. On l'a fait en dehors. On l'a fait entre nous. L'après-midi. Ah, on l'a fait avec la direction. Non, on l'a pas fait. D'accord. Ah oui, mais alors, c'est la façon dont c'était raconté. Donc la réalité, c'est de la direction. Dans l'entreprise. On ne peut pas se faire à huis clos dans un bureau avec l'AMC qui est aujourd'hui à ce qu'il est, mais il y a quand même les salariés en activité qui ont besoin de réponse. Il y a du débat à avoir avec d'autres élus. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y en a d'autres. Oui, mais bon, je suis d'accord. Hein. De toute façon, nous, on a toujours été d'accord pour ouvrir, pour débattre avec tout le monde. Et quand on vous reproche, allez là, je vous dis, je parle en tant que salarié actif, quand on vous reproche les 7 ans, c'est qu'on vous reproche que nous, ça nous a pénalisé pour mettre des moyens de prévention en œuvre dans l'entreprise. Parce que sous le prétexte de votre attente, de votre conclusion, l'employeur, lui, il l'a utilisé. Mais alors, dans tous les sens, ce prétexte-là, c'est alibi. Vous comprenez ? C'est la difficulté pour nous sur le terrain. Ouais. Parce que vous avez votre vision de ce qu'on vous a demandé de faire. Mais la réalité du quotidien, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'atelier, qui sont exposés aujourd'hui. Oui, non, mais nous, on essaye de répondre du mieux possible à la question qui a été posée de façon. Pardon ? Il ne faut pas prendre l'attaque. Non, on ne le prend pas comme une attaque personnelle. L'impact de l'étude a été néfaste pour le travail de terrain pour nous. Moi, je ne crois pas. Hein. Regardez, je ne crois pas. Aujourd'hui, 2014, c'est ça. C'est le minimum qu'on demande dans le code du travail pour protéger un salarié sur un CMR. Ça, c'est des combinaisons. D'accord. Mais le SAS aujourd'hui n'existe pas en tant que tel. On est en 2014. Ouais, on n'a pas besoin de conclusion pour. Mettez 7 ans d'études. À chaque fois, il y a l'argument financier. Vous avez toujours l'opposition. Un employeur, c'est ça. Il y a l'argument financier. Pourquoi je dépenserais ? Moi, je n'ai pas d'obligation de dépenser aujourd'hui. L'étude n'était pas finie. Voilà ce qu'on a eu pendant 7 ans. Et ça a bougé après. C'est tout. Vous avez parlé du rapport de l'INRS de 2004, qui vous a. Donc c'était dans la même mouvance, hein. C'était ensemble. Confinement. Aujourd'hui, l'atelier n'était pas confiné jusqu'en 2000, même aujourd'hui, toujours pas confiné. Mais on n'avait même pas le minimum requis, c'est-à-dire des bouchons de purge, des prises d'échantillons hors atmosphère, on n'en avait pas. Quand on parle de le produit non confiné, il y avait le déplacement de tous les échantillons à pied, dans un petit panier. Vous imaginez ça? Mais de toute façon. Jusqu'au labo d'analyse, où là, les salariés se mettaient sur des. Vous connaissez tous les labos d'analyse, sur des systèmes d'aspiration qui n'étaient même pas conformes. Mais quels que soient les résultats de l'étude, ces modifications, il faut les faire. Il faut les faire. Il faut faire en sorte que les gens soient le moins exposés possible. On laisse quand même terminer. Et après, je pense que, voilà, il y a. C'est indépendant. Donc là, quand même, les 7 ans, c'était long, tout à fait. Mais on ne peut pas faire. Il y a des procédures à respecter. Il faut faire quand même un protocole scientifique, avoir l'autorisation de la CNIL. Après, il faut recueillir les données. Il faut faire des analyses. Il faut faire des évaluations, des expositions. C'est long. Avec d'autres. On ne fait pas que ça non plus. Donc voilà, au total, ça a duré 7 ans. Mais il y a eu des résultats intermédiaires qui ont été présentés. Oui, il y a eu un rapport intermédiaire qui a été largement diffusé, enfin, en tout cas sur le site de l'IVS. Et alors, je voulais finir justement maintenant. Donc voilà, s'il y avait un autre cluster maintenant, les situations ont un peu changé. Parce qu'il y a une organisation de prise en charge des événements inhabituels santé travail. Donc ça sera ce GAST, le groupe d'alerte en santé travail, qui prendra en charge les signaux. Donc bon, je ne dis pas que ça va raccourcir la durée de l'investigation un petit peu. Peut-être le premier signalement aurait été capté un peu plus tôt. Donc ça, le GASTRE type associe le médecin inspecteur régional, le médecin de la consultation de pathologie professionnelle et la CIR, donc IVS en région, et le département de santé de travail. Voilà, donc je vais finir. Je vais dire un truc là. Ouais. Les publications que vous avez faites intermédiaires n'ont aucune obligation pour l'entreprise. Mais aucune de nos publications n'est, n'entraîne ni une obligation pour l'entreprise. Hein. Ni le rapport final, non ? C'est... Il y a le rapport final, mais bon, c'est ça. Mais c'est le code. Ouais. C'est comme un médecin du travail, hein. Il est conseillé. Bon, et justement, ça soulève une. Enfin, moi, je voudrais, dans les questions, je voudrais soulever celle-ci. C'est. On est là dans un cas. Bon, tout ce travail-là, tous ces 7 ans, ont été financés par des financements publics. L'entreprise n'a rien payé. Donc c'était pour l'IVS. Donc moi j'ai eu beaucoup de discussions avec la direction de l'IVS parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Pour eux c'était une garantie d'indépendance. Bon voilà, on est toujours dans ce truc. Si on reçoit des sous, il y a conflit d'intérêts. Mais bon, néanmoins, c'est quand même de la responsabilité de l'entreprise. De savoir ce qui se passe sur la santé de ses travailleurs. Donc, et en plus, c'est, on l'a dit, c'était un process unique au monde. Donc les résultats ne pouvaient même pas être appliqués à d'autres entreprises. Il n'y avait pas un intérêt national, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est peine mal dit. Hein, je ne veux pas. Donc, voilà. Ça a coûté très cher à l'État, un truc comme ça. Et puis c'est pas la seule chose, hein. C'est que tous les cancers du rein ont été payés par la sécurité sociale, à savoir le tronc commun, jusqu'en 2012. Avant d'être reconnu en maladie professionnelle. Comment ? Oui. Non. En étant reconnu en maladie professionnelle, non, reconnu. Il y avait un vice de forme au départ. Ah oui. Il y a eu un vice de forme, c'est la sécurité sociale qui a payé tous ces cancers. Ça, c'est souvent le cas. Malheureusement, c'est souvent le cas en France. Non, c'est le même. Non, il y a d'autres usines, d'autres usines, etc. Et est-ce que vous auriez pu conduire une étude épidémiologique en comparant deux procédés ? C'est-à-dire, au lieu de partir sur un produit chimique, on part sur une mise en ce qui serait un procédé, et de comparer la fabrication de la vitamine A avec le procédé A et le procédé B. Est-ce que vous auriez pu faire... Mais pas dans cette usine, puisqu'il n'y avait qu'un procédé mis en place. Ouais. Ça a été fait avant et après. Enfin, avant, après, parce qu'avant il y avait un procédé, après 81 il y en a eu un autre. Et dans les autres boîtes, on s'était rapproché de BASF. Ouais, ouais, ouais, les deux boîtes là. Mais eux, ils n'ont pas de dépistage. Hein. Donc il y en a un, il y en a dans une des entreprises, il y avait peut-être un cas, mais on nous a dit que c'était pas lié à la profession. Puis c'était pas en France. Hein. Oui, mais bon, fallait s'associer à des entreprises à l'étranger. Enfin, c'était quand même, alors là, c'était pas 7 ans, c'était beaucoup plus. Hein. Je pose la question parce qu'en fait, on a parlé de la réglementation agent cancérogène, celle de 2001, et il me semble que dans le texte, on parle de procédés aussi, et non plus de produits chimiques, ce qui, en l'occurrence, nous permet de rentrer dans ce champ-là. Et en fait, d'aborder, non pas, puisque si vous dites que REACH, CLP, a priori ne s'applique pas, etc., c'était on dénie l'aspect chimique du produit. Et l'idée, si effectivement il y a quelque chose à démontrer, c'est de passer sur une notion de procédé comme le cirque le fait de temps en temps, plutôt que d'axer la réflexion sur un produit. Oui, ouais, mais ça avait été argumenté, mais bon. C'est moins directement du ressort de... Nous, c'est pas trop notre ressort, mais ça avait été argumenté. Oui, ça a été proposé par l'ANSES. Ça a été proposé. C'est dans la vie. Ah, vous l'avez, là. Si ça doit être tranché, c'est la DGT. La DGT l'a reçu aussi, hein. Ça, c'est écrit. Donc, l'ANSES avait argumenté comme ça, mais là, c'est au ministère du Travail de prendre sa position. Oui. C'est ce qu'on a mis dans un des slides, justement, c'est la DGT qui s'est trompée. Bon, enfin voilà. Alors, justement, justement, de, pour, par rapport à la question du séminaire qui est quelle production de connaissances pour quelle action, comment en fait se passe concrètement la réception d'une saisine, comment les saisines sont formées, c'est-à-dire quelles sont les questions exactement que pose la DGT et la DGS, parce que évidemment en fonction de la question que vous, la réponse que vous allez apporter, elle va être de nature différente. Et les conséquences, ce qu'on va pouvoir en faire le décideur après, va être différent aussi. Donc comment c'est formulé? Est-ce que vous avez la possibilité de reformuler la question, si elle ne vous semble pas pertinente pour éventuellement l'action? Et une fois que vous avez formulé une réponse, comment vous avez observé que, dans ce cas précis, par exemple, la DGT et la DGS se sont saisis de vos résultats, à la fois intermédiaires et... Puisque s'ils vous posent une question, c'est bien que derrière, ils estiment que ce sont eux les décideurs. Mais... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont décidé derrière? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Comment s'approprier vos résultats? Qu'est-ce qui vous échappe? Qu'est-ce que vous pouvez faire après? La saisine actuelle, je vous ai dit au départ, c'était fait à l'état des explorations qui ont été faites sur le sujet. Et alors, c'était comment et voir si l'excès était avéré. De rechercher et déterminer l'origine du cancer. C'était écrit noir sur blanc. Hein. Il fallait déterminer l'origine du cancer. Bon, et il est vrai que l'IVS peut... Enfin, l'IVS n'est pas tenu de répondre à une question précise. Il a la latitude de... Enfin, bon, je parle sous la responsabilité de... sous couvert des gens qui sont encore actuellement en activité. Moi, je ne travaille plus, donc... Il fait l'analyse de la question posée et il va répondre en fonction de ce qu'il pense devoir être investigué. Hein. C'est pas rare qu'on ait des saisines, des questions qu'on juge qui non recevables. Mais en général, ça va pas jusqu'à la saisine parce qu'il y a des discussions préalables avec les services de l'administration centrale. Hein. Mais là, on leur avait signalé. Bon, c'est l'association, c'est Henri Pezra qui avait signalé un problème. Les administrations régionales et départementales ne s'étaient jamais saisies de cette question-là. Donc pourquoi aussi, c'est une question. Hein. Pourquoi l'inspection médicale du travail, pourquoi l'inspection du travail ne s'était pas saisie régionalement? Pourquoi c'est monté jusqu'aux deux ministres? Et ils nous ont répercuté cette question et nous, suite aux premières investigations, on a jugé que c'était qu'il fallait le faire, quoi, que c'était tout à fait recevable. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'au niveau que les administrations en charge du contrôle de la santé des travailleurs ne soient pas intervenues. Enfin, bon, parce que ce qui est étonnant quand on écoute le récit, est-ce que vous pouvez remettre la diapo sur les éléments en faveur de l'investigation du cluster, c'est-à-dire vraiment votre première phase de travail qui a conduit à aller plus loin finalement, à mettre en place toutes ces études. Voilà, c'est ça. Finalement, tous ces arguments que vous énoncez, ils seraient déjà en faveur de l'économisation du principe de précaution à minima. Je ne sais pas si c'est à vous mais de quel faire ou à qui, mais en tout cas, il y a bien une série de constats qui... Oui, mais là, le C5 n'était pas démontré. Hein, non, mais il n'y a pas que le C5. Oui, pas que le C5. Pas que le C5. 13 fois plus de... Déjà, à ce moment-là, la direction de... Oui, parce qu'on peut comprendre que de votre point de vue, vous allez au bout du processus pour confirmer, mais du point de vue déjà de ce que vous avez pu rassembler comme élément. Il y a un problème dans cette usine. Oui. Voilà, ça dit ça. Pourquoi est-ce que dès ce moment-là, en 2003 quand même. Vous poursuiviez les investigations pour les raisons que vous évoquiez. Est-ce que dès ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui se produit dans tout le processus d'appropriation des éléments d'information et de... Bon, l'inspection du travail a joué un peu à partir de ce moment-là et est intervenue dans l'entreprise, a vérifié les conditions de travail. Hein. Il y avait un blocage au niveau de la direction de l'inspection du travail. Il y avait un blocage à ce moment-là. Absolument, ils peuvent mettre une mise en demeure. Non, mais il y a une inspection du travail qui ne faisait pas son boulot, là. C'est clair, on l'a dit tout à l'heure. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'employeur, à partir de ce moment-là, soit faire son boulot parce qu'il a un doute. Donc, et je vois au niveau européen, puisque je siège dans le groupe de travail pour les chimiques du comité consultatif de Luxembourg, les employeurs, Dr Lévy, qui représente le MEDEF, et l'employeur de la chimie allemande qui participe à ce groupe, c'est-à-dire les deux grosses industries chimiques en Europe qui veillent à leur compétitivité et à leur concurrence, disent c'est pas démontré, donc on peut exposer sans problème. Et parce que les données socio-économiques font qu'on est beaucoup plus compétitif et concurrentiel en faisant cela. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bloqué. Donc, c'est au niveau de l'État, du gouvernement, de prendre aussi ses responsabilités à ce niveau-là. Et à nous, syndicats, de mettre le rapport de force pour obliger l'employeur à prendre des précautions. Oui, mais dans une situation comme celle-là, ce qui se passe, c'est que il y a une instrumentalisation de la démarche épidémiologique pour faire durer la situation. Ouais, ouais. C'est ça le problème. Ce n'est pas de votre fait, des décisions politiques qui sont prises. C'est-à-dire que la DGT, au lieu de jouer son rôle, de dire avec un risque de 13 fois plus, pour parler clair, hein, 13 fois plus de cancer du rein dans cette usine. Dans cet atelier, le produit suspecté, surtout avec les études toxicologiques, aurait dû être interdit immédiatement. Ce qu'ils ont fait quand même par la suite, c'est qu'ils ont continué. Ils ont continué les études toxicologiques in vivo. Mais il y a oui. Le problème, c'est que le procureur. Mais non, ils ne sont pas allés. De toute façon. De toute façon, c'est pas un cancérogène avéré par les. Pas du tout. J'ai une question plus. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller au. Il n'y a pas de preuve biologique. Une mutagène. Est-ce que vous auriez pu arrêter. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas représentatif. Deux ou trois fois avec. Est-ce que vous auriez pu arrêter en disant ben stop, on arrête, nous on a fait une partie de conclusion, on sait que. Est-ce que ça aurait été possible? Ou alors vous aviez obligation d'aller au bout de cette démarche Pour déterminer l'origine des cancers, ben, je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'étude de cas témoin. Pour tenter de déterminer l'origine des cancers. Moi je pense que ça serait aujourd'hui, on réfléchirait beaucoup plus. En 2003, c'était le début de la création de l'IVS, le début du département santé-travail. C'était compliqué dans un organisme de santé publique d'investiguer la question santé-travail. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, aussi bien du côté du travail que du côté de la santé. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été à la fois une opportunité de montrer ce qu'on pouvait faire, quoi, ce qu'on savait faire. Et peut-être qu'après le. Bon, c'est vrai que la question était une vraie question. On n'avait pas imaginé que ça durerait si longtemps, que ça coûterait si cher et que ça serait si compliqué. Peut-être qu'on réfléchirait beaucoup plus. Peut-être qu'on mobiliserait beaucoup plus les organismes régionaux. Hein. Ce qu'a dit Yuriko tout à l'heure, hein, y a les groupes d'action. Ouais. Les groupes, je ne sais pas comment ça s'appelle. GAST. Oui, mais ça veut dire quoi? Ces groupes d'alerte en santé-travail qui associent. C'est ça, les universités localement, l'inspection médicale du travail, les cellules interrégionales d'épidémiologie. Et donc, ça aurait. Parce que faire une étude comme ça à Commentry de la région parisienne. C'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Hein. Oui, mais le GAST, enfin, régionalement, enfin, c'est une grosse étude comme ça. Si c'était à refaire, c'est pas quatre. C'est vraiment l'IVS qui prend en charge, non? C'est-à-dire qu'il faut le faire sous la houlette de l'IVS. C'est sûr qu'ils n'ont pas la capacité de traiter ça. Mais le premier signalement, parce que peut-être ça a été fait en 2003, alors que tout le monde savait qu'il avait des cancers depuis longtemps. Quoi. Peut-être le signalement, oui, ça n'aurait pas été en 2003, ça aurait été peut-être 95. Puisqu'il y avait déjà... Tout le monde était au courant, enfin. Tout à fait. Parce que l'inspection médicale, elle était au courant. Alors oui, alors, je vais vous donner un exemple. Elle ne l'a pas fait remonter. Non, je vais vous donner un exemple concret. En décembre, c'est d'ailleurs Henri Pézra qui l'a noté dans un de ses articles, en décembre 2002, il y a eu une réunion qui a réuni le médecin inspecteur régional du travail, le médecin du travail de l'époque, un oncologue, un médecin, un radiologue. Mais je crois que c'est tout. Hein. Ils étaient 4 ou 5 médecins, mais il y avait le médecin inspecteur régional du travail. Cette année 2000, 4 nouveaux cas avaient été diagnostiqués. Ce qui portait à 10 le nombre de cas recensés. Et la conclusion de cette réunion, ça a été de dire qu'il était urgent de ne rien faire et de ne pas bouger, de ne pas signaler. Il y avait le médecin inspecteur régional de l'époque qui était présent. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour montrer les blocages donc des représentants de l'État et chargés de faire appliquer la législation du travail, qui étaient dans une démarche de rendre invisible, là encore, le risque, un risque avéré. J'ai juste loupé qui avait organisé et convoqué cette réunion. Je pense que. La direction, c'est ça ? C'était la direction. La direction qui avait réuni effectivement. Des experts, quoi. Voilà. Et la conclusion avait été celle-ci. On le retrouve dans un rapport. Ça dit quelque chose, ça ? C'était en 2002 ? En 2000. 2000. En décembre 2000. Après la chaîne. Non, pardon. En décembre 2000. Non, je vous prie de m'excuser. En décembre 2000. 2000. En décembre 2000. Parce que. En 2000. Voilà. Décembre 2000. Non, puis on a bien vu après, il y a eu un blocage quand même systématique de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Donc, on voit, il y avait l'image, le professeur Catilina avait traité avec le médecin coordinateur de Rune-Poulenc à l'époque, en entreprise nationalisée, le docteur Aubrin. Donc, on a vu les difficultés donc, pour faire aboutir tous les cancers qu'il y avait sur, par rapport à la sève. Les personnes qui étaient atteintes par le chlorovinyle. Donc derrière, il y a eu déjà un frein énorme, parce que la seule maladie professionnelle, le seul cas qui a été reconnu, c'est Gérard Barra qui l'a fait après mutation, ces personnes en entreprise. À part un suivi pour le professionnel, il n'y a jamais rien eu. On voit le blocage. Pour vous expliquer, il y a eu 80 cas recensés par nous, d'angiosarcome du foie, chez des gens qui ont travaillé. 80 cas. D'angiosarcome du foie, quand nous avons recensé. Chez des gens qui avaient travaillé à l'atelier de polymérisation, voire même au-delà des ateliers de polymérisation, à la Société des emballages plastiques. Voilà, c'est ça. Et il y a eu un seul cas d'angiosarcome qui a été déclaré en maladie professionnelle. C'est le cas que j'ai déclaré parce que c'était par un salarié qui avait travaillé dans cette entreprise et qui malheureusement, en 86, a développé un angiosarcome. Mais comment vous avez recensé 80 cas où? Parmi des retraités en France, dans toute la France? Non, parce que nous avions des documents qui devaient être détruits, qui n'ont pas été détruits et que nous avons obtenus. La fermeture de l'entreprise. À la fermeture de l'entreprise. Et y compris, on peut vous dire qu'à l'époque, depuis 67, l'employeur tenait un registre de la mortalité, pour le coup, des employés qui travaillaient dans l'atelier de polymérisation, et de 67 à 72%. Il y a eu 40 cas, 40 décès dans cet atelier. Et en 76, cet atelier était fermé. Et la CEP, en 83, était fermée. C'était un atelier hyper rentable, c'était une entreprise très rentable, mais cette entreprise a été fermée pour éviter un scandale identique à celui d'Amisol à Clermont-Ferrand. Enfin, c'est... Bon, de toute façon, maladies professionnelles qui ne sont pas déclarées, on sait qu'il y en a, il y en a tous les jours, il y en a encore. Voilà. Bon, peut-être que... on peut insister sur la nécessité de tracer quand même, de tracer des informations sur les gens qui travaillent dans les entreprises, en particulier dans la chimie, et c'est encore insuffisant au jour d'aujourd'hui. Les personnes individuellement, les postes qu'ils occupent, et si on peut avoir de l'information sur les expositions ou les produits qu'ils ont, enfin, auxquels ils peuvent être confrontés, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que nous, pendant toutes ces années, on a essayé d'organiser, enfin, on a pris des contacts avec les industriels de la chimie à travers l'UIC pour essayer de voir si ils ne voulaient pas organiser la surveillance épidémiologique en mettant en place ces outils dont je viens de parler. Et qu'au jour d'aujourd'hui, malgré des... Bon, c'est toujours pas fait, quoi. Pourtant, ils étaient partants. Et M. Lévy a toujours été très partant, nous a toujours reçus avec beaucoup de... voilà. On en avait même parlé au niveau régional, puisque l'ancien directeur... Comment il s'appelait, le directeur? Allozy. Ouais, c'est ça. Jean-Paul Allozy. Monsieur Allozy était président de l'UIC localement, régionalement. Donc on avait eu des contacts avec eux aussi pour voir si on pouvait faire quelque chose dans les groupements d'industrie chimique, mais c'est fatigant. On va être obligé de s'arrêter là, je pense, pour... Avant, vous vouliez ajouter quelque chose? Yuriko? Non. On avait calculé combien ça avait coûté, ce truc-là, à l'État. Oui. Je ne vais peut-être pas le dire. C'est surtout les salaires de, enfin, les salaires à plus. Parce qu'on avait le droit, on avait juste le droit de. D'ailleurs, maintenant, je ne sais même pas si on l'aurait encore, ce droit. On avait le droit d'accepter de manger à la cantine, en gros. Oui. C'est tout ce qu'on avait le droit de se faire payer. Les hôtels, les transports, tout ça, c'était l'UIS qui payait. Oui, c'était. À un moment, c'était 600 000, mais je crois que c'était. 800 Oui, c'était 800 000 à un moment, en France. Je crois que ça c'était près de 1 million d'euros. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'entreprise va bien quand même. Hein. Ah oui, ce que vous disiez. Elle n'a jamais si bien marché. Hein, parce qu'on redistribue. Enfin, tu peux mieux en parler que moi, parce que c'est dans le coup. Mais des participations, tant mieux hein, pour les salariés, mais, qui sont énormes. On n'a rien à cacher, on est aujourd'hui sur, en moyenne, 8 000 euros par an depuis 5 ans. On déplace le milliard de chiffre d'affaires pour 1 000 salariés. En fait. C'est-à-dire que l'entreprise a tout financé. Ça. Vous disiez tout à l'heure, vous aviez, moi, ce qui aurait été bien, c'est qu'à la fin, on envoie l'addition au patron. Ça aurait été bien. Et comme ça, il n'y avait pas de confinataire. Vous l'avez fait, vous avez voilà. Financé. Après, bon, peut-être qu'il faut réfléchir à cette action. Mais elles sont ardoises au niveau du contenu. Et vous pouvez aller plus vite, parce que vous avez des moyens supplémentaires. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, le changement, c'est que par rapport aux rentes des victimes, l'entreprise, jusqu'avant le 1er janvier 2012, ne faisait jamais appel de la décision sur la faute inexcusable. Maintenant, c'est eux qui doivent payer. Ils font systématiquement. Ah oui. Ça vient un petit peu de quoi, de qui on parle, de quoi on parle. Est-ce que l'employeur a fait l'évaluation des risques? Je suis obligé d'arrêter là parce que sinon on va déborder.